Donc la science de la religion, c'est comment c'est la vie de l'islam. Et celui qui néglige, donc il est perdu. Donc c'est pour ça que c'est important de réviser la science de la religion, d'apprendre, de propager. C'est parce que c'est la science de la religion qui permet de connaître la loi de Dieu. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits, en sachant que Allah, il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a besoin de rien. Donc, avec la bonne intention, une assemblée de sciences et religions, donc ça fait gagner beaucoup de récompenses. Surtout dans ce mois béni de Ramadan. Donc on va citer pour commencer une histoire qu'on a fait donc, dans le cours du Jumu'a aujourd'hui, donc qui montre en fait l'importance de la foi, l'importance de la foi, que c'est la meilleure des choses, la foi. Et puis on citera quelques paroles de savants, donc dans la croyance aussi. Donc dans cette histoire qui était rapportée, donc il y avait un homme musulman et un homme non musulman. Ils sont partis donc pour pêcher le poisson. Le non musulman, donc il a invoqué autre que Dieu, il demandait par cela la facilité, il a invoqué autre que Dieu. Et le musulman, bah, il a invoqué Dieu pour que lui facilite. Donc, et ils ont lancé leur filet. Le non-musulman, donc, il a pêché beaucoup de poissons. Il a pêché beaucoup de poissons. Le non-musulman, bah, il a rien pêché. Ils ont après tout au long de la journée, pareil, ils relancent. Le non-musulman, il pêche beaucoup de poissons. Et le non-musulman. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est comme ça l'histoire. Donc c'est comme ça l'histoire, ouais. Dans l'histoire, en fait, c'est le non-musulman qui pêche beaucoup de poissons et le musulman, il pêche rien. C'est bien ça, hein? C'est ça. D'accord, ben, c'est ça l'histoire. Donc, parce que j'ai pas fini l'histoire. Donc, pareil, il refaisait à chaque fois, et puis le non-musulman, il pêchait du poisson. Non-musulman, rien. Pareil, jusqu'à la fin de la journée. La fin de la journée, le musulman, bah, il a réussi à pêcher un poisson. Puis après, le poisson, il s'est débattu, puis il a ressauté dans l'eau. Donc, même le dernier, enfin le seul poisson, il est revenu dormir. Donc le non-musulman, il est revenu avec beaucoup de poissons. Et le musulman, avec rien. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Oui. Jusqu'ici, de toute façon, il n'y a rien de contraire à la raison, il n'y a rien de contraire à la religion. Donc, on va voir. Justement, la moralité de la chose, avec des hadiths à l'appui, des versets du Coran. Donc, après, donc il a été rapporté qu'il y a un ange, il a demandé à Dieu pour, en fait, comprendre la sagesse. C'est pas pour s'opposer à Dieu, parce que c'est sûr, Dieu donne ce qu'il veut à qui il veut. Donc, il a demandé, « Oh Allah, oh mon Seigneur, ton esclave, croyant, il est rentré, il a rien. Et ton esclave mécréant, il a pêché beaucoup de poissons. » Donc Dieu a dit à l'ange donc d'aller voir la place réservée aux musulmans au paradis. Et il lui a dit ça, donc le fait qu'il n'a pas pêché de poissons, ça va nullement le nuire. Le fait qu'il n'a pas pêché de poisson, vu qu'il a cette place-là, au final, Parce que cette vie, pourquoi? Donc on va comprendre mieux un peu l'histoire, c'est que cette vie, elle est passagère. Et comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, ma ana wa dunya illa karahilin istadhalla tahta shajaratin thumma illa karakibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha, dhahaba wa tarakaha. Il a dit, moi, comme avec le bas monde, c'est comme un voyageur qui s'est abrité sous un arbre, en plus, ensuite il est parti, il a laissé l'arbre. En fait, c'était juste une halte. Pour dire ce bas monde, c'est comme une halte, en fait. Et donc, ça montre que cette vie donc, est éphémère. Et après, il a dit, va regarder la place pour cet esclave-là mécréant en enfer, qui lui est réservé. Et que ça va pas lui l'épargner du châtiment, ça va pas lui être donc une sauvegarde contre ce châtiment-là, en fait. Le fait qu'il a pêché beaucoup de poissons. Donc on voit que l'importance, c'est dans cette vie, c'est la religion et c'est la foi avant tout. Et même le prophète, qui est la meilleure des créatures, une fois, il était, alayhi salatu wassalam, allongé sur les tapis en natte, là, comme on a au bled des tapis en natte. Donc, c'est pas comme les tapis doux, en fait, les tapis en natte, ça, c'est dur, quoi. Et donc, ça a laissé des traces sur le prophète, et Omar, il est venu, il a pleuré. Donc, ça l'a touché, comment le prophète, c'est meilleur que les anges. Et le prophète, il a dit, « Ouais, mais yuki kaya Omar, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Omar ?» Il lui a dit, « Ô messager d'Allah, il y a donc Pharaon, Khosroès, c'est-à-dire le roi des, à l'époque c'était le roi des Perses, et sa souveraineté, alors c'est un mécréant, il a une grande souveraineté, un grand confort, et le roi des Romains, Héraclius, et sa souveraineté, et toi, le messager d'Allah, c'est-à-dire eux, ils ont un grand confort alors que c'est des mécréants. Et qu'est-ce que lui a répondu le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a dit, « Ama tarda an takuna lahum dunya wa lana al-akhira » C'est-à-dire, ne sois-tu pas satisfait qu'ils ont le bas monde et que nous, on a l'au-delà. C'est-à-dire, c'est mieux, l'au-delà. Cette vie, c'est passager. L'au-delà, c'est sans fin. Donc c'est comme ça qu'il lui a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et l'exemple un peu de l'histoire que l'autre, il a rien eu. Cette journée, rien, il a rien pêché. Et puis l'autre, il a pêché beaucoup de poissons. Et puis de toute façon, dans le Coran, Allah dit « وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا فِي الْأَرْضِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ » Donc là, elle dit clairement, si les mécréants, ils avaient tout ce que contient le bas-monde et semblable à cela pour s'épargner du châtiment, pour le donner en compensation contre le châtiment, il ne sera pas accepté d'eux. Donc, même s'il avait toutes les baleines, tous les séants de poissons, ça ne va pas lui épargner le châtiment de l'enfer. Donc, ça, c'est dit dans le Coran. S'ils avaient tout, et donc ça veut dire... On comprend mieux l'histoire que, en fait, le plus important, c'est la religion, c'est l'islam. Et les savants, ils disent une parole, ils disent Man u'tiya ad-dunya wa lam yu'ta al-imana fa ka'annama lam yu'ta shay'a wa man u'tiya al-imana wa lam yu'ta ad-dunya fa ka'annama ma muni'a shay'a. C'est-à-dire, ils disent celui à qui a été accordé le bas monde, mais il ne lui a pas été accordé la foi, c'est comme s'il ne lui a été rien donné, en fait. Et celui qui a été accordé la foi, mais qui ne lui a pas été accordé le bas monde, comme il est pauvre, très pauvre, par exemple, comme s'il n'a été privé de rien, comme ça il dit. Et puis ils disent, les savants, une règle, ils disent « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » Ils disent « œuvre pour le bas monde, c'est comme si tu vivais longtemps, comme si tu vivais tout le temps. » C'est-à-dire les sujets du bas monde, il ne faut pas les prioriser en fait. Mais œuvre pour l'au-delà, c'est comme si tu mourais demain. C'est-à-dire la base, c'est la religion. Après, le reste, ça vient après. C'est pas la religion à un dernier ressort, je laisse, enfin, comme font beaucoup de gens maintenant. Avant, non. Avant, les gens, ils enseignaient d'abord leurs enfants la religion, ils maîtrisaient avant la religion. Et les compagnons, là, c'était la religion avant, après. Le reste, ça vient après. C'est pas le bien mondain, c'est-à-dire le bas monde avant, après, au final, un petit peu la religion, vite fait, comme font beaucoup de gens maintenant. C'est pour ça qu'ils sont ignorants beaucoup de la religion, ils connaissent pas, ils maîtrisent pas, il y en a, ils ont 60 ans, ils connaissent pas des bases de la religion. Donc ça veut dire la base, c'est la religion. Et ça veut dire que en réalité les savants, ils ont dit, c'est les gens, ce qu'ils ont plus besoin, c'est la religion, plus que l'argent, plus que la santé, plus que le manger. Alors là, c'est logique si on raisonne, parce que imaginons un musulman, il meurt de faim. La douleur, mourir de faim, c'est passager. Après, qu'est-ce qui lui attend? Le paradis, sans faim. Alors, quelqu'un, il est dans un château, et il est très riche, très confort, mais il meurt mécréant. Comme beaucoup, ils ont des milliards, il meurt mécréant. La félicité qu'il a eue dans cette vie, elle est passagère. En plus, c'est pas vraiment une vraie félicité, parce que toujours, il y a des maladies, même si on est riche, il y a toujours une maladie, tu manges trop, t'as mal, etc., t'es sale, il faut, voilà, etc. Tu te fatigues. Donc, c'est pas une réelle félicité. Donc, de toute façon, c'est éphémère. S'il meurt, donc c'est l'enfer pour l'éternité. Donc, ça veut dire que le plus besoin, c'est la religion. Plus que boire et manger, c'est la religion, en réalité. Et puis, c'est dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, Allah a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. En sachant qu'il n'a pas besoin de leur adoration, qu'il n'a besoin de rien. Puis, beaucoup d'histoires là-dessus, comme l'histoire très connue des magiciens que Pharaon il a ramené contre Saïda Moussa. Et que, ils ont vu que Moussa, c'est, ce qu'il fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, un miracle, un vrai miracle. Donc, c'est pas un magicien et que, ce qu'il dit, c'est la vérité, ils sont convertis à l'islam. Et Pharaon, comme cela existait dans le Coran, les a menacés de les tuer. Vraiment un dur châtiment. Eux, ils lui ont dit, mais ton châtiment, il est passager. Donc, on voit comment il est vraiment l'intelligence. C'est de voir loin, c'est vrai. Même si quelqu'un te châtie, te brûle, ça restera une douleur passagère. Mais on dit, celui qui meurt mécréant, le châtiment de Dieu, il n'a pas de fin. Donc, vous voyez la bonne réflexion. C'est ça, la bonne réflexion. Donc, en réalité, les gens, ils ont plus besoin, c'est la religion, en réalité. Parce que cette vie, le plaisir, il est passager, et la douleur aussi, elle est passagère. Donc, ça veut dire qu'il est plus facile de patienter en obéissant à Dieu que d'avoir à subir le châtiment. Patienter dans la douleur ici ou les choses que la personne vers lesquelles elle penche pas naturellement, c'est plus facile. Donc on voit l'importance de la religion, donc de mourir sur l'islam, mais encore mieux de sur la bonne pratique, d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. C'est ça là vraiment, on voit l'intelligence là parce que c'est la personne qui voit loin. Mais celui qui il s'occupe juste ici, il est insouciant de l'au-delà, c'est en fait, il n'est pas intelligent réellement. Vraiment, dans l'absolu, c'est que c'est celui-là l'intelligent, c'est celui-là qui n'est pas intelligent. Puis Allah Ta'ala dit dans le Coran, donc il y avait le hadith du prophète alayhi salam qui dit إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. C'est-à-dire Allah donne le bas monde, la richesse matérielle du bas monde, la souveraineté dans cette vie à celui qui l'agrée et celui qui n'agrée pas. C'est-à-dire, richesse matérielle, Dieu la donne à un musulman ou à un non-musulman. Parce que c'est pas un signe de l'agrément de Dieu, le fait d'avoir la souveraineté, le pouvoir dans cette vie ou la richesse matérielle. Ainsi, il y a des musulmans que Dieu a accordé une grande souveraineté, comme le prophète Daoud. Il avait une grande souveraineté, les djinns qui étaient à son service, etc. Une grande armée. Sulaiman, plutôt, ouais, c'est vrai. Saïdna Sulaiman. Il y avait aussi un autre homme, donc c'était Dhul-Qarnayn aussi. C'était quelqu'un qui avait une grande souveraineté, qui était musulman aussi. Et des mécréants, comme Nimrud, comme Pharaon, ils avaient une grande souveraineté. Donc ça veut dire, comme il a dit le prophète, Dieu donne la richesse, le matériel, le bas monde, à celui qui l'agrée, celui qui n'agrée pas. Mais il donne l'au-delà, c'est à celui qui l'agrée, c'est-à-dire le signe que Allah agrée la personne, c'est qu'il lui accorde la foi. C'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dupé par le fait que quelqu'un il a une grande richesse, une grande maîtrise des choses du bas monde. Allah dit dans le Coran, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ici, ça parle des mécréants que eux, ils savent les choses apparentes du bas monde, comme maîtriser telle, fabriquer telle chose, maîtriser telle science mondaine, etc., etc. Mais pour l'au-delà, ils sont insouciants en fait. Comme on voit, il y a des gens, ils vont fabriquer des fusées, des trains, des voitures. Après, ils vont à une statue qui peut rien faire, une statue, ils vont lui donner à manger, ils vont s'humilier devant elle. Ou d'autres stupidités ou d'autres mécréances. Ça veut dire que la personne, en fait, la valeur, la vraie valeur, c'est la foi. Qui fait que la personne, elle est élevée en degré, c'est la foi. Et le pire des états, c'est la mécréance. Comme Allah nous apprend dans le Coran que le pire des états, inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru, c'est-à-dire le pire des créatures, c'est les mécréants, parce que le blasphème, c'est le plus grand péché. Et la foi, c'est le meilleur des états. Donc le meilleur des états, c'est avoir la foi, être musulman, donc l'islam, qui est la religion des prophètes, du premier Adam, dernier Muhammad, alayhi wassalam. Donc ça montre, tout ça, ça nous montre l'importance de la foi et de mourir sur la foi. Et c'est ça le plus important. Et c'est pas comme pensent certains, donc il y en a malheureusement des gens qui ont été éloignés de l'apprentissage de la religion et vont d'abord se préoccuper de cette vie pour leurs enfants. Ils vont se préoccuper pour leurs enfants, c'est maîtriser les sciences mondaines vraiment à fond, mais la religion, ils connaissent rien, ils maîtrisent pas, et puis ça peut se retourner contre eux, etc. Leurs enfants peuvent devenir contre eux du fait qu'ils leur ont pas appris la religion, ou en s'éloignant vraiment de la religion, ou en déviant, en suivant des mauvais chemins de gens égarés qui suivent pas la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc l'important, c'est la maîtrise de la religion, c'est ça que le plus important. Après, le reste, c'est des choses en plus. Et c'est Dieu qui facilite. Ainsi, donc par exemple, Saïdna Omar, le deuxième grand calife, quand il allait mourir, donc il était calife, et il avait des enfants, il leur a dit, où votre père... vous restez pauvre et votre père va au paradis, ou vous restez riche, enfin vous devenez riche et votre père va en enfer. C'est-à-dire où vous restez pauvre comme ça et votre père va au paradis, ou votre père il vous donne des richesses sans droit en fait, de trésors des musulmans. Et que c'est une cause pour qu'il va en enfer. Alors, mais j'ai choisi, vous restez pauvre et votre père, il va au paradis. Mais il leur a dit, regardez, donc si mes enfants, celui d'entre vous qui fait preuve de piété à l'égard de Dieu, bah, il ne sera jamais pauvre, inshallah. Et comme il a dit Omar, parce que c'est dit dans le Coran, Allah dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est-à-dire, quiconque fait preuve de piété à l'égard de Dieu, Dieu lui accorde une issue, lui accorde la subsistance, d'où il ne s'attend pas. Voilà, Omar, même, il a dit, quand il est aussi aux gens, après lui, il a dit, si après moi, vous vous réunissez pour choisir le calife, vous invitez mon fils Abdullah, qui était un compagnon, qui était vertueux. Il a dit, mais il faut, prenez son avis, mais surtout pas ne pas le choisir en tant que calife. Parce qu'il a dit, ça suffit, un seul de la famille de Ibn al-Khattab, qu'ils vont rendre sur la communauté du prophète. Un seul, ça suffit. Donc là, c'était pas docteur, président ou médecin, c'est calife de tous les musulmans. Il a pas dit, oui, mon fils, il est bon, hein, le prophète, il a parlé de lui, bon, ok. C'est pas comme les gens de nos jours, ils disent, ah, mon fils, il est docteur, lui-même, il sait même pas réciter la Fatiha. Donc on voit pas mal de gens âgés, c'est comme ça, ils raisonnent. Ils disent, ah, mon fils, ah oui, mon fils, il est au Qatar, il fait la finance, ma fille, elle est aux États-Unis, etc. C'est pas ça qui compte, en réalité. Lui-même, déjà, il fait même pas réciter, tu lui dis, c'est quoi les attributs de Dieu? Donc, comme ils disent, les savants de l'islam, ils disent une expression, ils disent, waqafa himaru shaykhi fil aqaba, c'est-à-dire, l'âne du vieux, il s'est bloqué devant l'obstacle. Donc, on voit beaucoup des gens comme ça, ça se trouve, eux-mêmes, ils vont à la mosquée, et puis ils connaissent pas la religion, ils vont juste comme ça, voilà, les gens, ils disent, bon, j'y vais. Ils maîtrisent pas la religion, ils connaissent pas la croyance, ils savent pas, certains, on a vu des gens, ils savent pas que Isa est musulman, ils vont plaisanter, ils vont se dire non musulman. Ça, c'est parmi les choses qui annulent l'islam. Ou ils vont dire, c'est bien la mécréance, ou c'est respectable, ou c'est pas grave, ou des choses comme ça. On voit des gens, ignorants qui disent ça, et ça, c'est la mécréance. Donc, ça montre que le plus important, c'est pas la richesse matérielle, en fait. Et si vraiment quelqu'un, il aime sa famille, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Qu'u anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara » C'est-à-dire, où vous qui avez cru, préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible seront des pierres et des humains. Donc, c'est pas, il le donne juste à manger, ou il court, il délaisse les prières pour leur ramasser de l'argent, c'est pas ça. C'est avant tout qu'ils maîtrisent la religion et qu'ils seront des gens vertueux qui seront utiles pour lui, pour eux et pour lui. Ils feront des du'as, des invocations pour lui. Donc ça montre que le plus important, en fait, les gens, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est la religion, en fait. C'est ça la réalité de vraiment, c'est que ce qu'ils ont le plus besoin, c'est la religion, parce que dans la tombe, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Yatba'u al-mayyit thalatha » فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله واهله وعمله يرجع ماله واهله ويبقى عمله يعني suivre le mort trois c'est bien sa famille ses actes reste ses actes ils reviennent de c'est bien et sa famille même s'il t'aime bien toute la richesse que tu as amassée ton compte en banque tes voitures ne rentre pas dans la tombe donc c'est tes actes. Bien sûr, la mort ne prévient pas, on ne sait pas quand. Donc l'intelligent, il œuvre pour la religion, il apprend, il propage. C'est ça, donc l'intelligent, il sème dans cette vie pour récolter dans l'au-delà, plus il fait, plus il aura donc dans l'au-delà. Il y a beaucoup de portes de bien, et le plus important, c'est maîtriser la foi et propager donc la croyance. Donc les portes de bien, il y en a beaucoup, le prophète alayhi salatu wassalam l'a montré. Il a dit même ne serait-ce que de donner aux aumônes la moitié d'une date. Il a dit sourire sans frère, même si tu ramènes chez toi la nourriture, même chez toi avec la bonne intention, même pour chez toi, il y a des hasanets. Donc beaucoup de portes de bien, donner à manger aux jeûneurs. Donc, dans le hadith, celui qui est donc man fattara sa'iman falahu kana lahu mithlu ajrihi. C'est-à-dire celui qui donne à manger au jeûneur, il aura une récompense, une grande récompense, donc qui est semblable de certains points de vue à la récompense du jeûneur, mais bien sûr les savants ont expliqué ces hadiths-là, ce genre de hadith, le prophète où il fait une similitude de récompense. Ici, ça ne veut pas dire qu'exactement la même récompense, parce que dans la règle, dans l'islam, ce qui est un devoir, c'est-à-dire si on ne le fait pas, on mérite le châtiment, il est supérieur à ce qui est recommandé, parce que le recommandé, si tu ne le fais pas, tu n'as pas de châtiment. Et jeûner, par exemple, pendant le Ramadan, c'est un devoir. Donc celui qui donne à manger, c'est quelque chose de recommandé. Donc il n'aura pas exactement la même récompense, mais ici, le prophète, il montre que c'est une grande récompense. C'est ça que c'est visé par le hadith. Ou par exemple, celui qui dit « Qul huwallahu ahad », donc ça équivaut à une grande récompense qui serait semblable au tiers du Coran de certains points de vue. Ça veut dire une grande récompense, ça ne veut pas dire que c'est exactement la même récompense. Celui qui va rester le tiers du Coran, il va rester plus. Tout ça, ça montre l'importance de la science de la religion. Et donc de persévérer dessus, bien comprendre, réviser, propager la voix du prophète, la voix donc des compagnons, qui est donc la, qu'on dit la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah, c'est-à-dire Sunnah, c'est la voix du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc c'est facile, donc. Et donc justement, donc parmi ces meilleures des œuvres, c'est de maîtriser la croyance et de propager, comme on l'a dit, parce que c'est la base, c'est le plus important. Donc, comme on l'a vu dans l'histoire qui est citée dans le Coran sur les magiciens, donc pourquoi c'est cité ces histoires? Pour tirer des leçons. Qu'ils ont persévéré sur l'islam malgré la menace de Pharaon, parce que c'est le plus important de mourir sur l'islam. Parce que mourir riche, mais sur une mauvaise voie, c'est pas utile. Mais mourir sur l'islam, même en étant mourir de faim ou n'importe quelle sorte de mort, mais après cela, il y a le paradis. Donc, comme l'importance de la croyance, donc est pour propager parmi les gens, cet héritage en fait sur la croyance musulmane. Ici, on a fait la brochure sur les paroles des savants. Donc ceux qui ont assisté aux fêtes et tout ça, ils ont eu la brochure, donc on l'a réédité avec une nouvelle couverture, mais c'est les mêmes paroles. Donc on voit quelques-uns, donc c'est intéressant de connaître un peu cela, et puis de maîtriser, de propager. Donc quand quelqu'un maîtrise la religion, ça peut être une cause pour qu'il convertisse des gens, etc. Donc, parce qu'il faut la preuve. Allah dit dans le Coran, donc il a révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. C'est-à-dire, donc l'air, donc قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي, donc je vais voir dans quel verset elle est, dans Sourate Yusuf. Donc, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Sourate Yusuf vers la fin. Ah, alors, je disais tout à l'heure Sourate Yusuf. Donc Aya 108. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc, alors, les savants, ils ont dit, c'est قل, c'est-à-dire, ô Muhammad, dit, c'est هذه سبيل, c'est-à-dire, c'est ma voix. أدعو إلى الله, j'appelle à la voix agréée par Dieu. Donc, على بصيرة, c'est-à-dire, avec une preuve. C'est-à-dire la voix du prophète, elle a une preuve. C'est pas une voix aveugle comme ça. C'est, elle a une preuve de la véracité de cette voix. Donc il y a les preuves. Donc on a vu, il y a les preuves, selon la raison, que l'islam est la seule vraie religion. Parmi ces preuves-là, c'est que toutes les autres religions, ils adorent, en fait, ils vont adorer une vache, une statue, ou une lumière, ou ils s'imaginent quelque chose qui habite le ciel, ou les astres, ou le feu, ou un homme. Selon la raison, tout ça, ça a une forme, une quantité, une localisation. Tout ce qui a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc cette preuve est suffisante pour dire que l'islam est la seule vraie religion. Car la seule religion conforme à la raison. Donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser les preuves pour défendre la religion. Donc beaucoup, malheureusement, ils délaissent cela, ils vont maîtriser des sujets futiles. Il y en a des personnes âgées, voilà, ils passent leur temps à la politique, d'autres, les mamans âgées, beaucoup on trouve des séries télé, etc., ou parler sur les gens. Des jeunes, c'est le foot, les équipes, les joueurs, etc., sa vie, ses points. Donc, des preuves de base comme ça, ils ne connaissent pas. Parce que, en fait, c'est quoi le problème? C'est qu'ils laissent la religion à la fin. Alors que la religion, c'est avant et après le reste. Et on voit dans l'histoire, les musulmans, quand ils ont mis la religion, ils suivaient d'abord la religion, ils mettaient la priorité à la religion, on voit que c'était vraiment des... Donc, c'était... C'est-à-dire, vraiment, ils étaient dans le bien, en fait. Dans l'histoire, les musulmans, ils ont gouverné plusieurs endroits, ils ont ramené beaucoup de choses, une grande civilisation, etc. Ils étaient le premier dans tous les domaines, les musulmans. Quand ils s'occupaient d'abord de la religion, parce que par le fait de s'occuper de la religion, Dieu donne la baraka, la facilité, comme l'ayat témoigne, qu'on a cité. Et puis, dans le hadith, Qudsi, il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Ta'ala dit Ya dunya man khadamani fakhdimi wa man khadamaki fa'ataibi. Khadamani ay ata'ani. C'est-à-dire, celui qui s'occupe de mon adoration, c'est-à-dire, le prophète dit que Allah Ta'ala dit celui qui s'occupe de mon adoration, au bas monde, facilite-lui, soit à son service. Et celui qui s'occupe et court derrière toi, fatigue-le. D'ailleurs, celui qui va s'occuper de l'adoration de Dieu comme il faut, ça se facilite. Même ses affaires mondaines se facilitent. Et celui qui s'occupe du bas-monde, toujours il est fatigué, il y a ceci, cela, puis il a des épreuves par-ci, par-là, et toujours, il court. Donc, voilà, donc la voix du prophète, elle a une preuve qu'il faut maîtriser, connaître pour défendre la religion, pour propager le bien. Donc voilà, dans la brochure, donc vous pouvez trouver, donc elle est disponible gratuitement. Ça permet de réviser un peu la parole des savants et donner les preuves sur la voie du prophète alayhi salam. Donc voilà, donc ça, il y a beaucoup de paroles. Ça commence par donc le verset du Coran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir, c'est-à-dire qui signifie rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Donc ça, c'est les gens sunnites, ils ont tiré de ce verset la croyance de l'exemption de Dieu de toute ressemblance aux créatures, parce que laïsa kamithlihi shay, c'est-à-dire une négation dans l'absolu, que Dieu ne ressemble pas à ses créatures dans l'absolu, et il est celui qui entend et qui voit. Surat Ashura, ayat 11. Et le hadith du prophète rapporté par Al-Bukhari, كان الله ولم يكن شيء غيره. C'est-à-dire, Dieu existe de toute éternité, rien d'autre que lui n'est de toute éternité. C'est-à-dire, là, seul Dieu n'a pas de début. Donc, le ciel, la terre, le trône, le paradis, l'enfer n'existaient pas. C'est Dieu qui les a créés, l'espace, le temps. Donc, il existe avant les créatures. Donc, si quelqu'un, par exemple, des gens, des créants qui croient que Dieu habite le ciel, tu lui dis, qui a créé le ciel ? C'est-à-dire c'est Dieu, c'est-à-dire le ciel n'existait pas. Donc Dieu existant le ciel, et après qu'il a créé le ciel, ne change pas, il n'a pas besoin du ciel. Donc Dieu, il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc, il y a la parole de Abu Bakr al-Siddiq. Alors, qui peut nous donner la parole d'Abu Bakr al-Siddiq? Parce que beaucoup la connaissent, c'est bien. En arabe ou en français. Donc. Oui, ouais. On a dirigé. En français. Arabe, français. Ouais, en français. On va vérifier. On a le document. Alors, on écoute. En français. Celui qui veut le premier, moi, c'est celui qui... Pas d'examen, là. Que celui qui reconnaît son incapacité à atteindre la réalité de Dieu a en soi acquis une connaissance. Parce que rechercher à atteindre sa réalité, ça va mener à deux choses. Donc soit à la négation, parce qu'il ne va pas réussir à atteindre sa réalité par l'imagination, ou soit à l'association, parce qu'il va s'imaginer quelque chose et il va prétendre que c'est Dieu, donc les deux sont. Voilà, très bien. Voilà, Abou Bakr qui nous dit la parole d'Abou Bakr. Donc, on va redire. Hein. Donc, bon, je dis, il y a la brochure, je ne sais pas si elle est là. Donc, ouais, donc en arabe, c'est. العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاتي كفر وإشراك. Bon là c'est du haut niveau de langue arabe bien sûr parce que à l'époque je parlais pas de dialecte. Bon je pense beaucoup ils l'ont hein, parce que ça a été édité plusieurs fois hein, depuis des années. Voilà donc cette parole par contre elle est très importante. Je pense que chacun il est important qu'il la connaisse. Parce qu'elle résume beaucoup la croyance. Ça résume beaucoup la croyance, ça veut dire on ne peut pas connaître la réalité de Dieu. C'est ça. On ne peut pas connaître la réalité de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait sa réalité. C'est ça le résumé de la parole, en fait. Alors, reconnaître son incapacité. D'accord. Donc, reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance. C'est la foi, en fait. C'est quand tu reconnais que tu es incapable d'atteindre la réalité de Dieu, c'est ça, tu as la foi. C'est-à-dire tu sais que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, il ne change pas, et tu cherches pas à atteindre sa réalité. C'est là tes croyants. Mais si tu tombes dans le piège des mécréants, ils disent non, ils disent pour eux Dieu, il faut que ça soit une forme palpable, ça c'est le piège, c'est la mécréance. C'est le piège des gens, des mécréants d'origine ou des mécréants qui se disent musulmans, comme les wahhabites. Pour eux, non. C'est inconcevable que le Créateur, ils veulent cerner le Créateur. Et ça veut dire, ils sont égarés, en fait. Donc, de toute façon, c'est Dieu qui guide et égare. Donc, c'est Dieu qui guide et égare. Donc, bien sûr, on apprend, puis... On ne peut pas dire à Dieu pourquoi tout le monde n'a pas accès à ça, il n'a pas compris. C'est Dieu qui guide les gars. Toi, tu apprends et tu essaies de propager, mais Dieu fait ce qu'il veut. Le prophète, quand il a voulu convertir son oncle, il a essayé, mais il est mort mécréant. Donc c'est Dieu qui guide les gars, les gens. Parce qu'il y a des gens qui te disent, ah oui, mais il y a des gens, bled, ils n'ont pas accès à tout ça. Dieu fait ce qu'il veut, c'est celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite, ou qu'il soit quelqu'un qui lui enseigne. Dans l'islam, il n'y a pas d'excuse du moment que tu es. Il y a trois conditions qui font que tu n'as plus d'excuse. Trois conditions, vous connaissez, c'est le pubère, c'est un esprit qui ayant entendu la base de l'appel d'islam. Il n'y a pas d'excuse de la personne, du moment qu'elle est pubère, elle est saint esprit, elle doit aller chercher. Dans l'histoire, on voit des gens, ils voyageaient un mois juste pour écouter deux ou trois hadiths, c'est tout. Donc il n'y a pas d'excuse. Le prophète, quand il a envoyé la lettre plusieurs rois, donc Osroès, Héraclius. Il n'a pas envoyé tout un document complet avec un prof. Il dit, attends, on va t'expliquer pendant une semaine tout ce qui m'a été révélé. Et après, on verra est-ce que tu seras excusé ou non. Non ? Quelques lignes. Tu as entendu que je suis qui n'est de Dieu que Dieu, que je suis le message de Dieu. Tu n'as plus d'excuses. Il a dit, rentre en islam, tu seras sauvé. Sinon, c'est l'enfer. Alors que lui, Khosrowès, il n'a pas vécu pour écouter tous les hadiths et les détails. Juste lui envoyer la lettre. Ça veut dire, il n'y a pas d'excuses. Tu as entendu la base de la fin de l'islam, il faut aller. Il faut réfléchir, il faut aller comprendre, chercher. Il faut se convertir. Il faut apprendre. Donc il n'y a pas d'excuse de dire, ah oui, ils n'ont pas été à l'école. Donc c'est pas une condition de savoir lire et écrire pour pratiquer. Hein. Beaucoup de compagnons, ils ne savaient pas lire ni écrire. Le prophète lui-même ne lisait pas, n'écrivait pas, que c'était le meilleur des hommes. Donc c'est de écouter et comprendre. Écouter, comprendre. Écouter, comprendre, appliquer. Donc, dans les lettres, elles sont claires, le prophète il a envoyé des rois, et il a pas fait une longue dissertation, il n'a pas dicté du moins une longue dissertation pour dire à ce que tu es excusé ou non. De Muhammad Abdullah wa Rasuli, Aslim Taslam. De Muhammad et son esclave, son messager, un tel roi, rentre en islam, tu seras sauvé, si tu es de Dieu, tu vas en enfer. Là, vraiment, la lettre, c'était comme ça, à peu près. Donc, ça veut dire que tu n'as pas d'excuse. La raison confirme qu'il y a un créateur. Si tu vois une simple table, tu dis qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. S'il y a le monde, l'univers, les créatures, c'est forcément un créateur. Et forcément, il ne ressent pas ces créatures. Et tu as entendu parler du prophète, ça y est, il n'y a plus d'excuse. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuse, celui qui n'a pas appris ces bases-là, même s'il vit au village ou bled, donc c'est pour ça, il faut aller leur apprendre, ta famille. Parce qu'il y en a beaucoup au bled aussi, ils ne savent pas. Avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, colonisation, etc., les gens ils ne connaissent pas, l'enseignement était, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup accès à l'enseignement religieux de base. Et de toute façon, c'est Dieu qui facilite à qui veut. Dieu nous apprend que s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. Dieu guide et égare qui veut. Donc voilà, cette parole, c'est important de la connaître. C'est reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu est une connaissance. Et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance. On ne peut pas atteindre la réalité de Dieu. Déjà, il est créature, tu ne peux pas. Allah nous apprend dans le Coran, « Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. » Et il te demande au sujet de l'âme. Dit ce que signifie, dit l'âme est quelque chose dont seul Allah sait les détails et vous n'avez de science que peu. Quelqu'un ne peut pas imaginer un temps où il y avait une obscurité, une lumière. Il ne peut pas imaginer la limite du monde. Le monde, il a une limite, quantité spécifique. Que dire le créateur de l'univers, que rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui, tu ne peux pas atteindre sa réalité. Donc, le croyant, c'est celui qui sait que Dieu existe, qu'il n'a aucune ressemblance avec les créatures. Les créatures, ils ont une forme, une quantité, une localisation, une couleur, etc. Dieu n'est pas concerné par cela. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas d'excuse. Si quelqu'un il va lire dans les traductions, il va dans les marchés, les supermarchés, acheter des livres, soit ils ont traduction, c'est marqué colère, main, pied, etc., au-dessus de Dieu. C'est de la mécréance, il n'y a pas d'excuse, parce que ça contredit la raison, donc il n'y a pas d'excuse. Il fallait qu'il raisonne, il ne suive pas juste un livre parce qu'il est imprimé, n'importe qui peut imprimer des livres. Donc, il faut raisonner. Comme il a dit le grand calife Sayyidina Ali, « Laysa al-haq yu'araf bil-rijali, walakin al-rijala yu'arafuna bil-haq. » C'est-à-dire, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. D'ailleurs, la preuve, ce n'est pas parce qu'il est connu, ou parce que le livre il est joli, ou c'est marqué des tampons, telle université, tel pays, ou tel docteur, etc. Tout ça, ce n'est pas une preuve dans la religion. La preuve dans la religion, le Coran, le Hadith, la raison, et le Coran, le Hadith ne contredisent pas la raison. Donc si quelqu'un dit, il y a un Hadith que Dieu habite le ciel, ça contredit la raison, et c'est impossible que le prophète dise une chose contraire à la raison. Celui qui habite quelque chose, c'est forcément une créature, obligatoirement, selon la raison. Et le Coran ne contredit pas la raison, donc tout de suite, on sait que c'est faux. pour ça qu'on apprend ces règles-là de la religion, pour ne pas tomber dans l'égarement. Donc, c'est des règles faciles, hein, mais ça a besoin de la personne de se concentrer, de réviser, de répéter, bien évidemment. Donc, l'autre parole qu'on voit, c'est un grand savant. Donc, Allama, ça veut dire grand savant, Muhammad Mayara al-Maliki. Donc, Maliki, ça veut dire de l'école malikite, jurisprudence, mort en 1072 Hégire. Donc, Kitab dans le livre Ad-Durr al-Thamin wa al-Mawlid al-Ma'in. Sharh al-Murshid al-Mu'in ala al-Daruri min ulum al-Din. Donc, ce livre-là, c'est vraiment un livre très très connu dans le Maghreb. Tous les gens qui ont un peu étudié dans les, dans les mosquées, un peu l'islam et tout ça, et ils ont étudié ce livre-là. Jusqu'à maintenant, ils donnent des cours. Donc, c'est savant. Donc, les deux sont enterrés au Maroc, c'est des grands savants. Celui qui a écrit le livre, celui qui a fait le commentaire. Abdul Wahid Mu'ashir et Mohamed Mayara. Durr al-Thamin, le livre. Très très connu. Bon, c'est sûr, les gens maintenant, beaucoup, ils s'intéressent à ce qui se passe dans la télé, mais ça, c'est vraiment connu par les gens qui ont appris donc, de la manière traditionnelle sunnite. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ajma' ahlul haqqi qatibatan ala anna Allah ta'ala la jihata lahu fala fawqa lahu wa la tahta wa la yamina wa la shimala wa la amama wa la khalf. Donc, il a dit, donc, les gens de la vérité ont été unanimes sur le fait que Allah Ta'ala n'a pas de direction, qu'il n'a pas de dessus, ni de dessous, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Donc, les gens de la vérité, c'est-à-dire les musulmans, c'est ça, les gens de la vérité, les sunnites. Ahlul Haqq, c'est ça qu'ils visent par cela. Donc, Dieu n'est pas concerné par les directions, car c'est le créateur des directions. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, donc, on a fait des sessions sur ce livre, hein, et ici, il y en a, ils ont insisté sur la jurisprudence, malikite, c'était sur ce livre-là. Mais au début, en fait, il y a le chapitre de la croyance. Et le tout début du livre, ça parle jugement sur la raison de ce livre-là. Jusqu'à maintenant, ceux qui font formation de cheikh, d'imam, ils font les études sur ce livre dans le pays du Maghreb, surtout. Donc, est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, est-ce qu'il y a une question? Oui. Ah, ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Donc, hadith Qudsi, قال رسول الله, hadith Qudsi, ça veut dire, le prophète il dit, c'est pas comme le Coran, mais en fait, c'est le prophète il dit qu'Allah Ta'ala dit. Ça s'appelle hadith Qudsi. D'accord? Donc, il a dit que Allah Ta'ala, donc, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى, يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فأتعبيه. خدمني أي أطاع الله سبحانه وتعالى لأن الله غني عن العالمين. خدمني ici, bien sûr, comme on l'a dit, la règle ne traduit pas mot à mot, on traduit le sens, parce que la langue arabe c'est riche. Évidemment, l'erreur de beaucoup de livres traduisent mot à mot, vraiment c'est très, très dangereux. Donc ici, خدمني, ça peut, parce que ça peut avoir le sens être au service de. Mais ici, ça ne veut pas dire être au service de, enfin, on ne dit pas vraiment être au service de Dieu, parce que Dieu n'a besoin de rien, mais adorer Dieu, parce que c'est sûr, Allah ne lui advient ni profit ni nuisance. Il n'a pas besoin de nous. Même quelqu'un, il adore Dieu tous les jours, ça ne rajoute rien à Dieu. Ce que font les prophètes, les anges, ça ne rajoute rien à Dieu. Ce que font les mécréants, les athées, ça n'enlève rien à Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Et tout c'est sous sa volonté, tout est créé par lui. Chaque instant, chaque respiration, mouvement est créé par Dieu, qui n'a besoin de rien. Il est le créateur de tout, absolument. Le bien et le mal. Sauf qu'il récompense le bien, il ne récompense pas le mal. Et bien sûr, il n'a pas de compte à rendre. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, oui, il n'y a pas de problème. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ah, donc, alors... Surat al-Isra, ayah 85. En fait, il y a un waw. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il y a un waw au début, donc sur 85. Est-ce que c'est clair? Donc, réviser. Réviser les cours, c'est important. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طه الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وشفاء كل داء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه برحمتك أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد سام معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله